Le Lloydcast. Les remarquables. Prenez le temps de les découvrir. Salut la compagnie et bienvenue sur le Lloydcast, épisode 24. Comme tu le sais, dans cette émission, j'aime te faire découvrir des personnalités remarquables, soit par leur métier ou par leur parcours de vie. Celui que je te propose aujourd'hui, eh bien, il ne devrait pas te laisser insensible. Mon invité a commencé sa carrière comme artiste, musicien, DJ, comédien que je qualifie volontiers d'exceptionnel. Et puis l'existence, la vie, les choix l'amènent aujourd'hui à devenir coach de vie. Avant, il donnait aux gens des mots sur scène pour les émouvoir. Désormais, il s'occupe de leurs mots et les soigne. Laurent Caroubi, bienvenue. Bonjour Lilian, merci pour cette belle introduction, ça fait plaisir. Ma première question est très simple, comment ça va ? Ça va très très bien, Lilian. Je me suis installé dans le sud là, il y a à peu près 11 jours et je dois t'avouer que le climat du sud me permet de me sentir vraiment mieux qu'à Paris. En tout cas, je suis ravi d'être avec toi et puis voilà. Alors, avant d'en arriver au cœur de ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous raconter voilà, en quelques mots ton premier parcours, ta première vie de... ton parcours artistique. Moi, j'ai commencé, j'étais dans un lycée où je m'éclatais à Paris, qui s'appelait le lycée Jean de la Fontaine, où étrangement, j'ai pu commencer à découvrir le son, le mix. Il y avait chaque année la fête du lycée, où je ne sais pas comment je me suis retrouvé là, j'ai commencé à animer des booms, ça s'appelait encore boom à l'époque, des soirées chez des gens. Donc, je commençais à mixer un petit peu, on était sur les CD de titres et tout. Et puis ensuite, j'ai découvert l'atelier du théâtre du lycée Jean de la Fontaine. Et là, j'ai commencé à toucher les planches avec un metteur en scène qui s'appelait Fabrice Nadar. Et j'ai commencé chaque année à mettre des costumes. On jouait des pièces de Georges Feydeau, des pièces de Arthur Howe, de Bertolt Brecht. Enfin, je me rappelle des trucs, c'était vraiment du beau texte. Bien évidemment, je n'avais aucune technique. Je faisais que de la voix, que crier sur scène, que gueuler. Et on me disait, mais quel comédien génial. Mais tu te rends compte en fait que c'était juste nul. Tu étais le seul à gueuler qui avait une voix. Mais c'était exceptionnel. Vraiment, j'ai passé actuellement, si j'y repense, les plus belles années de ma vie parce que c'était tout nouveau, que je découvrais. Quoi. Donc, ça a démarré à peu près au lycée. Et ensuite, j'ai intégré des cours professionnels qu'on appelait les cours Viriau à l'époque. Et il se trouve que ma mère, quand elle était plus jeune, elle ne me l'avait pas dit, elle avait fait les mêmes cours, les cours du père. Et moi, je me retrouve chez le fils qui s'appelait Dominique et ma mère était chez Claude Viriau. Et lorsque je suis reçu par Dominique Viriau pour passer une sorte d'entretien, d'embauche pour le cours, il nous montre un bouquin avec tout le cours, l'histoire du cours. Et tout d'un coup, je tombe sur une photo de ma mère. Et je dis, mais c'est pas possible, c'est ma mère là. Et lui me regarde, il me dit, mais comment ça, c'est ta mère ? Je dis, bah Chantal, là, Torchman. Il me dit, mais tu es le fils de Chantal, machin. Et donc, lui, il participait au cours quand son père faisait. Et donc, ma mère ne m'avait pas dit, je lui dis, je viens de m'inscrire dans le cours du fils de Claude Viriau. Donc, en fait, c'est d'ailleurs à ce moment-là d'ailleurs, qu'on s'est rencontrés, Lilian, toi et moi. Et je crois qu'au début, tu étais d'ailleurs déjà metteur en scène, tu assistais en fait aux auditions libres de fin d'année. Et je crois que tu n'avais pas forcément apprécié ma prestation. Je dois t'avouer que je ne l'avais pas apprécié non plus du tout. J'avais été complètement enfermé dans des rôles qui ne me correspondaient pas du tout à l'époque. Très âgé, très vieux, de mecs très matures, moi qui n'étais absolument pas mature. Et voilà. Où je commence juste aujourd'hui à découvrir la responsabilité, la maturité. Et donc, toi, tu l'avais senti tout de suite que je n'étais pas dedans, que j'étais, voilà, ça ne collait pas. Et ensuite, je me suis retrouvé quelques années plus tard à être introduit à une de tes auditions par justement mon meilleur ami que j'avais fait rentrer dans ce cours. Jérémy Malavaux. Exactement, mon super pote. Et tu m'as permis de passer un texte, voilà, pour éventuellement remplacer quelqu'un, de lire un truc. Et apparemment, ça s'est bien passé puisqu'on est devenu super potes, toi et moi. Oui, bon, ça s'est tellement bien passé que tu es passé de Blur à comédien principal de ce rôle. Et cette première pièce, c'était Il y a des nuits qui ne mettraient pas de voir le jour. Et après, on est parti. C'est drôle parce que d'ailleurs, après, on est parti. Tu me demandes comment tout ça s'est passé. Après, je me suis retrouvé à Nice à jouer au théâtre. Et aujourd'hui, j'habite à quelques mètres du théâtre où on a joué. C'est ça qui est dingue. Donc, exactement. Donc, je suis vraiment ravi d'être dans cette émission en face de toi. Et quand tu me demandes le parcours, je te dis, mec, j'habite aujourd'hui à côté du théâtre où tu m'as fait jouer et que je ne fais pas du tout comédien. C'est ça qui est dingue. Donc, voilà, je suis ravi. J'ai l'impression que le milieu pour toi était plus difficile. Alors, ce n'est pas le milieu qui était difficile. Je l'ai compris aujourd'hui que ce n'était pas le milieu qui était difficile. C'est moi qui attendais trop de ce milieu. Et à travers ce milieu, j'attendais trop, tout simplement. Et le fait d'attendre, j'ai compris le seul jour, pour bien comprendre ce que je suis en train de dire, où j'ai été pris dans une série télévisée, c'est le seul jour où la directrice de casting me donne rendez-vous à 15h. qu'elle ouvre la porte, je me rappelle comme si c'était hier, elle me prend à 16h40, c'est-à-dire elle me met 1h40 de retard en pleine tête. Moi, j'avais déjà décidé de quitter ce métier et cette nana, je lui rentre dedans, mais complètement. Dans la salle d'attente, je décide de lui rentrer dedans, elle s'appelait Nathalie Lukens, et je lui dis, mais c'est scandaleux, machin, vous vous excusez même pas pour qui vous prenez. Et elle me dit, ah bon, enfin voilà, je lui parle vraiment avec tout mon cœur, toute mon honnêteté, elle me fait passer le casting, elle me fait recommencer ma présentation parce que j'étais un peu tendu, elle est super cool avec moi, ça se passe tellement bien, parce que je m'en fous complètement qu'elle ne me prenne pas. Et il se trouve que la nana me dit, putain, je peux rien vous dire, c'est parfait. Elle me rappelle 6 mois plus tard en me disant qu'ils ne me choisissent pas parce qu'ils ont pris quelqu'un de plus vieux, donc j'avais rien à me reprocher, mais qu'elle me promet de me faire travailler. J'ai dit oui, cours toujours, j'ai l'habitude, on me l'a déjà dit. Je décroche complètement du métier. Et un an après, je suis à la montagne, aux Arcs, en train de mixer pour un festival de snowboard et tout. Et mon téléphone sonne et on me dit est-ce que vous voulez travailler dans la série machin ? On a un rôle à vous proposer, est-ce que vous l'acceptez ? Imagine, je suis à la montagne, est-ce que vous acceptez un rôle, et moi je suis comme ça en train de dire mais comment ça j'accepte, et en fait, et après ils disparaissent, il n'y a plus de nouvelles du tout. Quelques années après, bon, alors je rentre dans l'intimité, ma tante, que je ne sais pas si tu la connaissais, Nicole, probablement, oui. Voilà, qui était directrice de la communication du centre Pompidou, qui s'occupait des expositions, qui était une femme très très impliquée dans le cinéma. Bon, eh ben, elle décide, elle décide de mettre fin à ses jours, c'est son choix et je le respecte complètement. Et moi, bien évidemment, je culpabilise beaucoup pour ce décès parce qu'elle m'avait envoyé un mail et que je n'avais pas répondu à ce mail la veille. Et le lendemain, deux jours après, je crois, je suis dans le noir complet à la maison en mode dépression, sans sortir de mon lit. Il doit être 16 heures à peu près, je m'en rappelle comme si c'était hier. Et je suis vraiment au fond du trou, dans le noir. Et le téléphone se met à sonner en masqué, il est 16 heures. Je vois le soleil qui caresse les volets de la chambre, mais moi, je suis complètement enfermé. J'écoute le message sur le répondeur et on me dit « Production Alain Pancrasi, truc McDonald's pour France 2, veuillez nous rappeler s'il vous plaît. » Mon corps s'est levé en une fraction de seconde, comme si on avait injecté de la vitamine dans le corps. Je me revois ouvrir les rideaux, d'un coup le soleil jaillir dans le salon. Je rappelle et le mec me dit « Vous êtes pris sur un truc que vous avez passé il y a un an, vous avez 4 jours de tournage, est-ce que vous acceptez ?» Alors déjà, t'imagines, à l'époque, on te dit « On ne te prend pas à cause de ton sourcil » et là, on te demande si tu acceptes le rôle. Et je dis oui, bien sûr, j'accepte. Et il me dit d'accord, j'envoie le scénario à votre agent. Bien évidemment, je n'ai pas d'agent. Je dis d'accord, très très bien. Il me dit vous avez un agent ? Je fais oui. Il me dit c'est quoi le mail ? Je dis je vous rappelle dans quelques minutes. Et bien évidemment, je n'ai pas d'agent du tout. J'ai passé ma vie à chercher un agent, à être pris dans un film. Et là, tout d'un coup, il y a tellement d'énergie de bonheur, tellement d'énergie de positivité et surtout un lâcher-prise total que je n'avais pas quand j'étais en cours de théâtre où j'attendais tout de ce métier. Là, tout d'un coup, j'envoie un mail à quelqu'un, à une liste d'agents, 100 agents que je trouve sur Internet, agenceartistique.com. J'envoie le mail, je suis pris dans une série, 4 jours de tournage, merci de me répondre, machin. Et j'ai un mec qui me répond. Je l'appelle tout de suite. Et le mec me dit, je lui raconte le truc, il me dit, bienvenue dans mon agence, Cyril Canizo. Je rappelle la production, je dis, voici le mail de mon agent. Ça m'a pris 7 minutes, alors que j'avais passé 7 ans de ma vie à essayer de choper un agent et essayer de choper un casting. Tout ça en 7 minutes. Alors, je crois que sur cette toute petite anecdote, peut-être qu'on va en parler, ça me ferait plaisir qu'on en parle, bah, j'ai compris quelque chose que je n'avais pas compris pendant toutes ces années. C'est justement sur cette notion de lâcher prise et cette notion d'attente qu'on peut avoir. Ce que j'essaye aujourd'hui, lorsque j'accompagne des gens, d'évoquer. Et ensuite il s'est passé plein de choses et donc là, on vient au cœur de ce podcast. Quel a été ton déclic, toi, un moment pour te retrouver à quelque part venir soigner les autres ? Alors, le déclic, Lilian, il a été très simple. Et si on a le droit de se confier, je me confie, comme on pouvait peut-être se confier à Macha Béranger dans les émissions du soir ou qu'on pouvait se confier sur le divan d'Henri Chapier, je vais me confier. Tu peux. Je peux, super. Eh ben, tout simplement, j'ai découvert la tristesse de la drogue et j'ai découvert ce qu'on appelle la cocaïne, qui est une addiction que je ne recommande à personne, une addiction bien malheureuse parce qu'elle te rend psychiquement dépendant et donc elle traite toujours probablement une dépendance affective que j'ai depuis tout petit, que je suis encore en train de... Je pense que c'est un long parcours et que ça sera peut-être même jusqu'à la fin de mes jours. Un parcours en train de travailler dessus. Et donc, j'ai découvert la cocaïne. Alors, bien évidemment, la première fois, comme tout le monde qui essaie une drogue, on dit « Ah, c'est pourri, je ne vois pas l'intérêt. » Manque de peau, un jour, on se sent un peu seul, on s'ennuie et on nous repropose. La vie nous représente une autre personne qui nous repropose une deuxième fois. Et je n'étais pas assez fort à ce moment-là et j'ai recraqué. Et c'est là que j'ai commencé à m'accrocher à cette drogue. Donc, le fait de tomber dans cette drogue, me concernant, et la façon dont je la prenais, m'a complètement coupé du monde, de mes responsabilités. Et du coup, moi qui étais un artistique, je ne pouvais plus rien faire de créatif, j'étais complètement inexistant. Et bien évidemment, ce qui devait arriver arriva, je me retrouve en hôpital psychiatrique. Première tentative en hôpital psychiatrique. Donc on me fait découvrir les joies des antidépresseurs et des anxiolytiques, et je découvre un monde assez, assez glauque, mais un monde dans lequel j'ai décidé d'aller, en fait, puisque personne ne m'a forcé, et puis que comme je n'avais pas fait de bêtises, eh ben, je me retrouve, voilà, est-ce qu'on me dit tu vas te soigner? Alors on est géré un peu par les parents, même si on est majeur et vacciné, mais on est tellement, tellement dépendant au sens large du terme que les parents vous disent bah, tu vas à l'hôpital psychiatrique, on dit avec plaisir, et je vais à l'hôpital psychiatrique. Donc je me retrouve enfermé 3 semaines, je ressors de là, bien évidemment, on l'a bien compris, ça ne va rien régler au problème, on met juste un pansement sur la pointe de l'iceberg, mais on n'a pas réglé le fond de l'iceberg, et ça recommence encore et encore à chaque réactivation, à chaque fois qu'une expérience se vit, une expérience bien évidemment très souvent affective, affective dans le travail, affective dans des relations professionnelles, dans des relations amicales, des relations amoureuses, bam, la blessure de dépendance est réactivée et la cocaïne refait son apparition. Et s'ensuit des allers-retours avec les anxiolytiques, les dépressifs, jusqu'au jour où c'est tellement énorme que je n'en peux plus. Et je décide de commettre l'irréparable et je fais une tentative de suicide, une première tentative de suicide, parce qu'il y en a eu quelques-unes derrière. Il n'y a pas eu un moment, un déclic qui s'est produit je crois que tu as eu un voyage au Tibet. Non, en fait, quand je travaillais au Club Méditerranée en tant que clubman artiste, un jour, le chef de village vient me voir. Alors, le chef de village, c'est, tu dirais, le parrain, el padrino au Club Med, le mec qui contrôle tout le monde. Sauf que c'est bien joli, le Club Méditerranée. J'ai passé des moments, et je passe toujours des moments exceptionnels. Et donc, il vient me voir, mais je le voyais avant d'un côté observateur, tu vois, à l'extérieur. Et tout d'un coup, je vais me retrouver du côté professionnel, qui bosse vraiment tous les jours pour le Club Med. Et ce n'est pas du tout le même rythme. C'était vraiment un rythme hyper difficile, et il me propose de gérer l'équipe d'animation. Et il me laisse 6 mois et franchement, j'étais super nul. C'est-à-dire que j'ai beau avoir la voix, le charisme, le micro, ce que tu veux, la comédie, travailler au Club Med, c'est vraiment un exercice difficile. Et tous les jours, le micro, les responsabilités, le téléphone qui sonne à 5 heures du matin pour dire d'aller faire une arrivée à 4 heures du matin, du machin, l'enfer. Et donc, à un moment donné, je n'en peux plus. Je pète un câble et je rentre dans ma chambre et je dis, il faut que je me casse de cet endroit, je n'y arrive pas à m'en sortir. Et je décide de me dire, je vais commencer à m'initier à la méditation, machin, ça va me faire du bien. Et je ne sais pas pourquoi mes doigts tapent sur le navigateur Google, méditation, yoga, machin. Et je prends le premier lien qui se pointe. J'avais prévu d'aller méditer dans le 13e arrondissement. Tu vois, je me suis dit dans les temples bouddhistes du 13e, près de chez les frères Tang, avenue de Choisy, machin. Je me retrouve avec un premier site qui m'envoie à Pokhara, une île, enfin un lieu à 1 heure d'avion de Katmandou, la capitale du Népal, juste en face de l'Everest et l'Annapurna. Je n'ai jamais été aussi rapide de toute ma vie. Je prends ma carte bleue, je me retrouve sur un truc d'avion, je prends un billet d'avion, j'appelle le centre, je réserve en anglais, machin, une chambre et tout, et je démissionne du Club Med, je rentre à Paris, 4 jours après, je suis à Katmandou. Tu dis en costard, mais j'étais tellement nul à l'époque. Je me suis dit, je vais me taper 3 avions, je ne vais quand même pas les faire en éco. J'ai trouvé un tarif sympa qui me proposait des réductions. J'ai tout fait en business. J'arrive avec ma valise Samsonite ou Delce à roulette. Alors, je ne sais pas si tu vas payer de la redevance pour les pubs, mais qu'est-ce qu'on balance comme marque ce soir ? Donc, imagine le gars. Je ne sais pas si tu as déjà vu un peu l'Everest, si tu as déjà vu des films sur l'Everest, sur la chaîne de l'Himalaya. L'Himalaya, j'arrive là-bas avec des mocassins, vernis patinés, une valise Delce à roulette, un blouson en cuir. J'ai fait tout le voyage en business class en trouvant un tarif super cool pour ne pas voyager en éco. Je me retrouve avec des mecs qui me reçoivent, ils n'ont pas de dents, qui sourient des yeux, mec, avec un bonheur comme aucun être humain peut être heureux, comme j'ai vu sur cette planète. Et je vois des gens qui descendent avec des sacs à dos, qui font de l'ascension de la montagne, quoi, de la Annapurna, de l'Everest, machin. Et moi, je suis tout seul dans un champ devant un paysage à couper le souffle, avec ma valise comme un con, et à réaliser que je suis un gros abruti. Déjà, rien que d'entrée, je réalise que je suis un abruti, que j'ai rien compris à ce qui va m'arriver. Et donc, tu m'entends, Lilian ? Tu m'entends bien ? Ouais ? Ouais, je t'entends. Super. Et donc, à ce moment-là, le séjour commence. J'ai pris un séjour de 3 semaines, et c'était un séjour hyper intensif. Je ne sais pas pourquoi j'avais choisi intensif yoga, méditation. Je me suis dit, je vais me sauver. Bon. Il se trouve que ça a été vraiment 3 semaines d'expérience merveilleuse où on se réveillait à 4 heures du matin avec des bols tibétains, avec le mec. Voilà. Il faut savoir qu'au Népal, ce qui est génial, c'est que les chiens dorment la journée, mais se réveillent la nuit. C'est-à-dire qu'en fait, leur journée à eux, c'est la nuit. Donc toi, tu te prends le décalage dans la tête. À minuit, tu commences à peine à fermer une paupière, parce qu'en plus, moi qui travaillais la nuit et qui avais touché à la drogue, tu peux t'imaginer comme mon sommeil était complètement déconnecté. Je commençais à m'endormir, les chiens se mettaient à aboyer. À 4 heures du matin, il y a un mec qui se balade dans le jardin, dans le noir, avec une espèce de tunique, avec un bol tibétain, et qui te fait un son genre comme ça. Et le mec te réveille. Et mon cœur se met à s'emballer. On sort tous avec un lever de soleil, pardon, je suis dit coucher, justement décalé, lever de soleil devant l'Everest, l'Annapurna, à couper le souffle, sauf que toi, tu as une tête dans le cul version Paris et que tu n'es même pas capable d'apercevoir la beauté et la rareté du paysage que tu as en face de toi. Donc déjà, tu fais la gueule comme un Parisien qui se réveille, mais pas qui se réveille place de la République ou de Bastille, qui se réveille devant l'Everest, mec. Donc, je démarre comme ça ma formation. Tous les jours, je découvre le yoga, une discipline exceptionnelle que je recommande à tout le monde, à tous ceux qui écoutent ton podcast. Je découvre la méditation et je découvre surtout le fait de se taire, que c'est dans le silence que je vais commencer à découvrir un peu mon intérieur. Et au bout de 3 semaines, la magie se passe. Après avoir installé une routine de yoga, de méditation, bizarrement, ton cerveau, le cerveau humain, au bout de 21 jours, commence à enclencher presque ce qu'on pourrait retrouver dans le sport quand tu vas te faire toi qui es assez sportif, Lignan, qui est même très sportif, quand tu fais du jogging, de la muscu, à un moment donné, tu balances tes dopamines, la sérotonine, tous les trucs du bonheur, tu le trouves au bout de 21 jours de routine. Et donc, au bout de 21 jours, bien évidemment, au moment où je dois rentrer à Paris, je commence à me sentir bien. Mais manque de peau, je dois rentrer. Et je me retrouve à l'aéroport Charles de Gaulle, sous un ciel bien gris, alors que je reviens de l'Everest, et je me retrouve dans mon petit appartement. Et en 3 jours, bam, explosion. Tentative de suicide, the first one. Mais le changement est tellement radical que je me retrouve seul à Paris sans rien comprendre à ce qui m'arrive, sans aucun boulot, puisque bien évidemment, j'ai donné ma démission au Club Méditerranée, en ayant toutes ces images de gens magnifiques qui souriaient, qui n'avaient rien, qui n'avaient pas une thune, et moi qui suis dans un appartement de bourgeois blindé, qui suis seul au monde avec un téléphone bourré d'amis que je n'arrive plus à appeler, avec des meubles que je n'utilise pas, avec de l'argent que je ne sais pas comment dépenser, avec un frigo que je n'arrive pas à remplir, je suis complètement largué. Et je décide de mettre fin à mes jours. Et là, quand tu décides de mettre fin à tes jours en France, eh ben manque de peau, ce n'est pas le même délire. Parce qu'en France, mettre fin à ses jours, alors je ne sais pas comment c'est, je connais dans quelques pays, mais pas dans tous les pays, mais en tout cas, en France, c'est un délit. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de vouloir mettre fin à ses jours. C'est interdit. On t'interdit, en gros, de stopper le jeu que tu es en train de jouer. Ce jeu qu'on appelle la vie, tu vis, on te dit, bah, tu dois vivre. Et si tu décides d'arrêter, on t'enferme dans un hôpital psychiatrique, mais qui n'est pas du tout le même que tu avais connu. Donc là, ça devient l'hôpital psychiatrique de haute sécurité. J'étais enfermé à Paul Giraud, je m'en rappelle comme si c'était hier, à Villejuif. Et mec, là, c'est le film Le silence des agneaux avec Anthony Hopkins. C'est-à-dire des gens qui se tapent la tête sur les murs, des femmes qui marchent en déambulant dans les couloirs en train de baver. Moi qui mets une chaise à ma porte pour bloquer la serrure de la porte parce que j'avais peur qu'on me fasse du mal quand je dormais. Ignoble, ignoble. Et voilà, et j'y reste 10 jours. Alors c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais ça a été les 10 jours les plus longs de ma vie parce qu'en fait, quand tu décides de mettre fin à tes jours, tu deviens sous tutelle instantanément. Tu passes sous la responsabilité de tes parents, et si tes parents ne sont pas en vie, c'est la responsabilité de l'État. C'est-à-dire que c'est le procureur qui signe si tu es apte à sortir ou pas. Et tout d'un coup, tu reviens un enfant de 5 ans. Et elle est là, la dépendance. C'est ça que j'ai compris quelques années plus tard, c'est que la dépendance affective, la partie inconsciente, on va en parler après si tu veux bien, et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, la partie inconsciente qui nous habite va déclencher va attirer l'attention à travers des bêtises, à travers des expériences, pour justement te retrouver en mode petit garçon. Et je me retrouve en mode petit garçon qui a besoin de papa et maman pour l'aider à sortir. Qu'est-ce qui t'a amené à un moment de te dire « Ok, je me reprends en main et finalement, ce que j'ai envie de faire, c'est d'aller vers les autres parce que toi, alors, jamais. Tu t'es aussi formé à le tapping, c'est ça ? Enfin, il y a plein de choses. Alors, parce qu'aujourd'hui, c'est marrant que tu parles justement. Ce tapping qu'on appelle l'EFT, qui est une technique de thérapie, bref, qui veut dire en anglais EFT. Emotional Freedom Technique, donc technique de libération des émotions. En fait, je sors de l'hôpital psychiatrique et je décide, parce que c'est ma croyance, d'appeler un mec, un hypnothérapeute qui est censé faire ce qu'on appelle de la régression de vie antérieure, de la régression de vie. Et le mec au téléphone, je suis au fond du trou, je sors de cet hôpital, je n'ai plus personne à appeler, mes amis, ils se demandent ce que... Enfin, j'ai plus personne, je suis complètement seul. Et donc, j'appelle ce gars-là, et ce mec-là me dit qu'il est ce qu'on appelle un canal, qu'il est ce qu'on appelle un voyant, un médium. Et moi, il se trouve que j'y crois complètement, je suis tellement largué que je crois à tout. Donc, le mec me dit au téléphone, je ne vais pas vous recevoir, je suis un canal, et il semblerait que ça soit pas notre chemin de vie de nous rencontrer. Et moi, je me mets à pleurer, je dis, mais si même vous voulez pas me rencontrer, qu'est-ce que je vais faire, quoi? Enfin, je suis au fond du trou, je crie, presque je l'insulte dans mon salon. Et le mec me dit, par contre, on me transmet des informations pour vous. Et je lui dis, c'est quoi ces conneries? Et le mec me dit, est-ce que vous avez un email? Je lui donne mon email, je te jure que c'est la vérité, ce que je te raconte, il n'y a rien, je le raconte, mais je te jure que c'est la vérité dans les moindres mots. Le mec je donne mon email et le mec me dit, on est en train de me donner les informations. Il me raccroche au nez, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Je vais sur mon mail et je reçois un fichier de ce mec-là, un PDF de 400 pages du fondateur de l'EFT qui s'appelle Carrie Craig, c'est pas lui qui l'a créé, mais il l'a rendu public en 1995. Je reçois un PDF de 400 pages qui dit l'EFT, la technique de libération des émotions qui réussit là où tout a échoué. Voilà ce qui a marqué sur le PDF. Et je commence à ouvrir ce bouquin. Je suis en pyjama dans mon salon. Une fois de plus, il doit être 15h ou 17h, je ne sais plus. Enfin, le mec est motivé pour bosser, pour vivre. Et je lis ce PDF et j'ai l'impression de devenir une machine. Moi qui n'ai jamais lu un seul bouquin dans ma vie, je prends un stabilo et je commence à écrire, à tapoter, à développer. Je commence vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui s'active en moi. Et puis, comme tout bon dépendant affectif que je suis, bah, quand un truc marche, je décide de fermer et de ne pas aller au bout et de le planquer dans un coin. Parce que je me dis que si ça va marcher, je risque d'être trop bien. Donc, si je suis trop bien, ce n'est pas normal. Donc, il faut mieux que je retourne en enfer. Donc, je ferme le PDF au bout d'une semaine de travail et de dur labeur et de réaliser que ça marchait sur moi. Je le range dans une bibliothèque. Et puis, je repars au Club Med, faire des petits DJ, machin, parce que je n'arrive pas à quitter cette villa et tout. Et puis, j'appelle, je ne sais pas comment je me débrouille. Je commence à appliquer un petit peu l'EFT. Et alors, au Club Med, je commence bizarrement, alors que je suis venu pour mixer, à utiliser l'EFT parce que le Club Med, bah, en fait, tu te retrouves dans un espèce de sanctuaire où tu as 1500 vacanciers qui sont enfermés, tu vois, dans un village. Et tu as plein d'activités et je retrouve avec des gens blessés. Donc, je fais connaissance avec des gens qui se blessent au tennis, des gens qui se blessent à la voile, une nana qui est dépressive, qui vient d'arriver au Club Med pour passer 2 semaines de vacances. Et du coup, je me retrouve avec du consultant potentiel. C'est-à-dire que d'un coup, je peux pratiquer et apprendre ce que j'ai lu dans le PDF. La vie me propose ça. Sauf que moi, je n'ai pas du tout envie de faire ça au début. Mais la vie, au repas, à l'apéro, près d'un transat et tout, m'emmène des gens qui vont me parler de leurs problèmes. Et il se trouve que, bizarrement, je commence à les entendre, ces gens. Je commence à les écouter mieux que j'avais réussi pendant toutes ces années à m'entendre, à écouter mes potes, à écouter ma famille. Je commence vraiment à les écouter. Et là, il y a un déclic qui se passe. Là, je commence à me dire, putain, mais dis donc, j'ai aidé une nana qui vient me voir pour son fils, parce qu'il se trouve que je faisais quelque chose et que ça marchait. Donc, elle vient me voir pour son fils et je découvre par intuition, par flash, par éclair, qu'en fait, son fils qui a 2 ans, je ne vais jamais le voir. Et qu'en fait, le fils est en train d'imiter des problèmes que la mère a. Donc, je lui dis, je vais apprendre à la mère une technique. Et la mère m'envoie un mail 3 semaines après, quand elle rentre sur Paris, en me disant, merci pour cette technique. Vous m'avez sauvé. Mon fils se remet à manger normalement. Et j'ai commencé à me dire, mais c'est fou ce qui m'arrive, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Et donc là, j'ai commencé à découvrir le pouvoir de cette technique. Et je lui dis, ça serait pas mal que je le fasse professionnellement. Et donc, je décide d'aller regarder sur Internet s'il n'y a pas des formations. Parce que moi, on m'avait donné un PDF, mais j'étais tout seul et je voulais le faire dans une école. Et écoute bien ce que je te raconte, c'est hallucinant. En tout cas, moi j'y crois profondément. Mmh. J'appelle une nana qui s'appelle Geneviève Gagos, qui est la seule formatrice certifiée niveau 2 à cette technique en Europe. Elle a une école à Lyon, mes yeux. Je lui laisse un message sur son répondeur. J'ai aucune nouvelle pendant 6 mois. 6 mois et demi, 7 mois après, je reçois un appel. T'imagines, tu laisses un message sur un répondeur, t'as un retour 7 mois après. J'avais complètement décroché de cette technique, j'étais retourné dans mes travers, dans le milieu de la nuit, la mix, le machin et tout. La nana me dit en plein après-midi, bonjour monsieur Caroubi, vous m'aviez laissé un message il y a 7 mois, je ne sais pas pour quelle raison mon téléphone qui supprime tous les messages a retenu le vôtre, a gardé le vôtre en mémoire. Et je commence à lui parler, oui, bien sûr. Alors je voulais savoir, voilà, est-ce que vous formez des gens en EFT? Elle me dit oui, complètement. Et elle me dit, vous êtes quoi? Vous êtes psychologue, vous êtes médecin, vous êtes infirmier? Et je lui dis, non, moi je suis malade, quoi. Et elle me dit, mais comment ça vous êtes malade? Elle me dit, moi je forme des gens du paramédical. Je lui dis, non, moi j'ai besoin d'être formé à la technique pour me soigner, quoi. Tu sais, le mec égocentré, quoi, pour m'aider, quoi, pour vivre. Et elle me dit, à ce moment-là, je vais vous recommander des gens que j'ai formés, mais moi je forme que des paramédicaux. Et je lui dis, non, ne m'abandonnez pas. Et puis, je lui raconte mon histoire et tentative de suicide et le Népal et le fait que j'appelle un mec de vie antérieure et qu'il m'envoie le PDF par l'opération du Saint-Esprit. Et la nana m'écoute avec un énorme silence. Et à la fin de mon monologue de 35 minutes où je pleure, où je raconte un truc avec une voix profonde et je lui explique toute ma vie, elle me dit, je pense que vous êtes prêt à accompagner des gens. Je fais une exception et je décide de vous former. Et je me retrouve prendre le TGV de Paris à Lyon-Mézieux, à l'hôtel je ne sais plus quoi qui se trouve à côté de la gare, à me taper 1 mois de formation intensive. Et on devait se retrouver à 15 dans la formation. Il y a un problème, on se retrouve à 3. C'est-à-dire que la formation, qui était une formation collégiale, devient presque une formation en tête-à-tête avec la patronne de l'EFT en Europe. Et en l'espace d'un mois, je commence à devenir un débutant. Tu sais, comme un art martial, quand tu commences à passer 30 ans à obtenir une ceinture noire, au moment où tu as ta ceinture noire, le mec il dit « Hey, tu chauffes pas, VP !» tu es en train de débuter là, ça y est, tu es ceinture noire, tu débutes. Sauf que toi, ça fait 30 ans que tu fais ça. Et ben moi, au bout d'un mois, je dis, ça y est, putain, je suis un sauveur, je vais guérir toute la planète. Et elle me regarde, elle me dit, oh là là là, tu vas commencer à débuter en EFT. Tu vas commencer à te prendre des pas en tête à tête avec des consultants. Et ça commence là. Voilà. Le boulot thérapeute commence à démarrer ici. Enfin, de thérapeute, de coach, d'accompagnant, de conseiller, comme tu veux appeler. Tu vois. Quand quelqu'un vient te voir parce qu'il a un problème particulier, quel qu'il soit, toi, tu as accès à l'hypnose, tu as accès donc à l'EFT, à plusieurs outils comme ça pour l'aider. Exactement, exactement. Comme je dis toujours aux gens, en fait, alors ça, je l'ai compris que très récemment, Lilian. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pensais que la technique allait permettre d'accompagner la personne, de la sauver, de la guider. En fait, j'ai compris que la technique n'était vraiment qu'un tournevis, un truc pour les boulons, machin, un truc pour la pêche, peu importe. C'est un outil. La technique est un outil. Et en fait, moi, je vais me concentrer que sur l'instant présent. Donc, la personne qui va me demander de l'aide, si j'estime qu'elle a besoin que j'utilise un de ces outils, pour désactiver un trauma, pour libérer telle émotion, à ce moment précis où elle me consulte, je demande toujours à la personne comment elle va, le jour J où elle me consulte. Si elle me dit « je vais bien eh », ben, ça fait toujours marrer les gens quand je dis ça. Je dis « bah alors, bonne journée, quoi, j'ai rien à... qu'est-ce que tu veux que je fasse si tu vas bien ?» Quand tu me consultes, si tu vas bien, qu'est-ce que tu veux que je dise ? Moi, je ne suis pas là pour voler les sous des gens. Donc, si tout va bien, eh ben, tout va bien. Donc, je dis à la personne « bonne journée », ça la fait toujours marrer. Elle me dit « bah, mais je suis venu vous consulter parce que hier », je dis « non, non, pas hier ». Lorsque la personne te consulte, tu vas essayer justement, en tout cas moi, c'est ce que je vais essayer de faire, je lui demande toujours comment elle va parce que je vais lui faire remonter des émotions si elle me consulte pour un problème qu'elle a vécu ou qui se réactive régulièrement en fonction d'une expérience qu'elle revit. Je vais essayer de lui faire revivre cette expérience avec la visualisation très rapide, très instantanée. Et donc, je vais lui montrer qu'en fait, ce qu'elle ressent, cette douleur, cette émotion n'est qu'une illusion de son cerveau puisque la personne est chez elle, dans sa chambre, derrière son Skype, derrière son micro, et qu'elle me dit « j'ai mal à la poitrine, j'ai mal à la nuque, j'ai mal assis », alors qu'il ne s'est rien passé, et que la seconde d'avant, elle avait mal nulle part. Donc, je lui dis « vous êtes en train, votre esprit est en train de créer ça ». Et donc, je commence à lui, pas à lui démontrer, juste à lui faire comprendre que contrôler ses pensées, contrôler ses mots, et agir en fonction de ses pensées et ses mots, va lui permettre, grâce à son corps humain, qui est là pour informer des messages, va lui permettre justement d'évoluer sur cette planète à travers des expériences. Et donc, la personne, je vais lui dire, voilà, si vous vous sentez bien dans l'instant présent et que vous arrivez à répondre facilement à cette question, vous n'avez rien d'autre à faire qu'écouter votre corps et tout se passera bien. Et c'est là que je fais comprendre à la personne que notre esprit se voyage constamment dans le passé ou se projette dans un futur qu'il essaye de contrôler et de maîtriser. Et c'est là d'où viennent nos douleurs et viennent nos bobos. C'est qu'on ne reste jamais dans l'instant présent. Ça me fait penser à une méthode d'une coach de vie américaine, je crois que c'est la méthode Brooks, qui s'appelle la CPEAR. Ouais, ouais. C'est circonstances, pensées, émotions, actions, résultats. En gros, elle explique dans sa méthode que on pense être dominé par nos émotions, alors qu'en réalité, avant l'émotion, il y a la pensée. Alors, en fait, Lilian, c'est exactement ça ce que tu dis, mais je vais aller beaucoup plus simplement, et ça commence à être prouvé scientifiquement. Il semblerait que le monde dans lequel nous évoluons aujourd'hui, chaque jour, soit créé par notre esprit comme une projection de notre esprit. Alors, on pourrait dire vulgairement que les expériences que nous vivons sont notre état d'esprit positif ou notre état d'esprit négatif, qui évolue seconde par seconde de la journée. Les chercheurs ont démontré que nous émettons, consciemment et inconsciemment, 70 000 pensées par jour. Je ne sais pas si tu imagines ce que ça fait 70 000 par jour. Que chaque pensée qui germe dans ton esprit va plus vite que la vitesse de la lumière. Einstein, qui était un scientifique, donc quelqu'un de cartésien, avait décrit cette phrase. Attends, j'essaie de m'en rappeler de mémoire, ou alors il faut que j'aille sur mon site pour la lire. Qu'en gros, toute la vie n'est qu'énergie et que tu n'as qu'à visualiser et à vibrer l'énergie que tu veux attirer à toi afin de vivre cette expérience. Et il disait, ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique quantique. Traduction avec sa théorie E égale MC2, il avait déjà démontré que tout le monde dans lequel nous évoluons, Lilian, n'est que de l'énergie. Le t-shirt que tu portes, le casque que tu as sur la tête, le micro dans lequel tu parles, si on le passe sous un microscope géant, on voit des atomes en mouvement. Traduction, le monde dans lequel on vit n'est qu'énergie. La pensée est de l'énergie. Ça veut donc dire que, en fonction de tes pensées, tu vas modifier en permanence, microseconde par microseconde, toutes les expériences que tu vas vivre. Tu vas donc vibrer une fréquence, un chiffre vibratoire, comme si tu vas vibrer à l'instant T énergie, qu'à l'instant d'après, tu vas vibrer Fun Radio, que tu vas vibrer RTL et que tu vas toute ta journée attirer des expériences qui correspondent aux mêmes fréquences radio. Quand tu es confus dans tes pensées, que tu es indécis, tu vas être entre les deux radios, dans le et donc tu vas vivre des expériences toutes pourries. Il vaut mieux prendre une décision que toi, tu vas qualifier de négatif ou de positif, plutôt que d'être indécis. Il n'y a rien de pire sur cette planète qu'être indécis. C'est la pire des choses que tu puisses faire à un corps humain. Et c'est là souvent que les maladies se déclenchent, quand les gens me disent « je ne sais pas quoi faire, je sens que j'ai des possibilités, mais j'ai les fesses entre deux chaises, je ne sais pas dans quelle direction aller. » Je lui dis « qu'est-ce que vous voulez faire? Quel est votre objectif ?» Si Aladdin sortait, enfin le génie, que vous frottiez la lampe, qui ne s'est pas pointé depuis 2 millions d'années, il arrive, il ne comprend pas la négation. On s'est aperçu scientifiquement que l'esprit inconscient qui contrôle 95% de notre fonctionnement cérébral, de nos organes et de notre vie, ne comprend pas la négation et se comporte comme un enfant de 7 ans. Si le génie sort de la lampe et tu lui dis « je ne veux pas ça, je ne veux plus de ça, je ne veux plus de ça », il enlève le « ne pas » et il t'apporte quand même quelque chose. Tu peux faire une expérience si ça t'amuse, Lilian, dans tes prochains jours, dans les rencontres que tu vas faire, parce que je sais que tu rencontres pas mal de monde dans tes mises en scène et tout ce métier que tu fais. Amuse-toi à demander aux gens ce qu'ils veulent dans leur vie. Tu vas voir que sur 10 personnes à qui tu vas demander, il y en a 8 qui vont commencer leur phrase par « oh ben moi je veux plus ça, alors moi je veux absolument plus ça ». Et tu vas te rendre compte quand tu parles de manière plus approfondie avec ces gens qu'en fait c'est tout ce qu'ils attirent dans leur vie. Toutes ces choses qu'ils ne veulent plus, ils attirent que ça. Celles et ceux qui nous écoutent peuvent se dire « oula, ça y est, on est parti dans les sectes, on est parti dans l'ésotérisme, on est parti s'ils veulent, comme peu ça. Importe, bah, écoute, on assume complètement, il n'y a pas non, de problème. Non, non, non, bien sûr, non, non, mais tu sais pas... pourquoi tu sais pourquoi ce que tu dis, c'est hyper intéressant. En France, voilà, si j'ai 2 bouquins à te conseiller, je ne fais aucune pub, je ne touche pas d'argent là-dessus, ils n'ont vraiment pas besoin de moi. Un bouquin qui s'appelle « Conversation avec Dieu », tu me parlais d'un déclic qui a révolutionné ma vie. Quand on parle de Dieu, on parle de la matrix, on parle de l'équation, on ne parle pas du tout de religion, rien à voir, moi je ne suis pas du tout religieux. Et un autre bouquin qui s'appelle « Le secret », qui parle justement d'un truc scientifique qui avait été décrit par Newton, la loi de la gravitation qu'on a tous appris à l'école avec la pomme de Newton qu'on lâche et qui tombe. Bon, à l'époque, les scientifiques avaient déjà démontré que tout était énergie, et que lorsque tu lâches quelque chose de là-haut, ça retombe sur la Terre. Sauf qu'on l'a complètement zappé. Donc, à travers ces bouquins « Conversation avec Dieu, le secret », les gens ont mis ça à l'ordre du jour. Tu sais où sont placés ces bouquins à la FNAC en France? Ils sont placés à travers les francs-maçons, la magie, la scientologie et les sectes, dans un tout petit rayon qui s'appelle « ésotérisme », à côté des DVD d'Harry Potter ou des conneries qui sont vendues à 1 milliard de trucs, ou des X-Men ou des machins. Le bouquin est là. Aux États-Unis, ce même livre est vendu à 90 millions d'exemplaires traduits en 54 langues dans tout le monde entier. Le même coach aux États-Unis va parler devant 10 000 personnes avec un micro, il va être reçu par les chefs d'État, les machins. En France, tu parles de ça et tout, tu vas être dans une petite salle, dans un hôtel que tu as loué devant 40 personnes. Parler d'expérience de vie que tu as, que tu vas dire, que tu as le malheur de dire que ton corps crée des douleurs pour t'informer que quelque chose ne va pas dans ta tête et pas l'inverse. Ton corps t'informe que quelque chose ne va pas dans ta vie. C'est ton meilleur ami, ton corps. Si tu as le malheur de trop appuyer en parlant de douleur, de maladie, de corps, on va te traiter d'exercice illégal de la médecine. Donc, même quand tu accompagnes des gens, tu dois faire attention aux mots que tu emploies en France, ce qui n'est pas du tout le cas chez les pays anglo-saxons. Là-bas, on va parler de coach of life, de coach de vie. Ici, si tu dis que tu es thérapeute, on va aller chercher la définition du thérapeute dans le dictionnaire, on va dire thérapeute. Mais ça veut dire que dans le latin, thérapeutus, machin, ça veut dire que vous soignez des gens. Donc, mais vous êtes médecin, monsieur? Ben non, pas du tout, mais j'ai accompagné quelqu'un pour arrêter de fumer. Ah oui, donc vous parlez des poumons quand vous dites arrêter de fumer. Donc, ça veut dire que vous êtes médecin, vous faites un exercice illégal de la médecine. T'as l'impression que tu es au Moyen-Âge, qu'on va te mettre sur le bûcher, c'est hallucinant. Et je peux t'en sortir des tonnes de cas où les mecs sont fait contrôler, machin, c'est vraiment flippant. Alors, il y a un petit personnage récurrent dans le podcast qui est une petite souris. Et cette petite souris, elle vient passer une journée avec chacun de mes invités. Et si la petite souris voyait la vie de Laurent Karoubi au quotidien, ça ressemblerait à quoi? Qu'est-ce qu'elle verrait? La petite souris, elle dirait, bah voilà, il se lève à 6 heures. J'ai la chance là, d'avoir un super décor, de voir un peu les montagnes, de voir le soleil qui se lève. Il m'arrive d'aller nager parfois ou d'aller courir un petit peu le matin. Je vous rassure, je ne suis pas un sportif de haut niveau. Je vais nager un quart d'heure ou trottiner 15 minutes pour me sentir bien. Je me douche, petit déj et j'attaque les consultes en visio pour l'instant parce que je n'ai pas encore le cabinet à Nice. J'attaque les visios parisiens de tous les clients qui me suivent, les consultants, les patients, on l'appelle comme on veut, à partir de 8 heures. Ensuite, je fais une pause à midi. Je vais renager un petit peu s'il fait beau. Je déjeune. Je réattaque à 14 heures jusqu'à 20 heures, voilà, du lundi au vendredi. Et j'ai réussi maintenant à me bloquer des week-ends. Pendant un moment, je consultais énormément le samedi et je dois t'avouer que je consultais même parfois le dimanche parce que je n'arrivais pas à dire non. Et qu'en fait, j'avais un gros problème, c'est que je jouais le rôle du sauveur. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais Laurent, t'as pas compris que la tour de transmission, et c'est ça que je veux dire aussi la petite souris, la tour de transmission, c'est nous-mêmes, c'est chacun d'entre nous. Et que si nous-mêmes, nous ne sommes pas bien, comment pouvons-nous aider quelqu'un d'autre? C'est impossible. Donc, à un moment donné, j'ai commencé à retomber malade, à être fatigué et je n'arrivais plus à consulter. Combien de temps ça peut durer un accompagnement d'une personne? Alors, moi, je fais de la thérapie brève. Donc, dans la thérapie brève, c'était les thérapies brèves, on est vraiment sur ce qu'on a, ce que les 10 Américains, du short terme, on va être sur une séance. Encore une fois, c'est toi. C'est la personne qui consulte qui me dit combien de séances ça va durer, combien de séances, combien d'argent je vais dépenser, combien de temps je vais passer. Je lui dis, mais c'est vous. Donc, une personne qui te dit si elle va bien, ça n'a aucun intérêt de la revoir une deuxième fois. Les seules séances qu'on fait en unique sont des séances en hypnothérapie sur l'arrêt du tabac. La séance d'arrêt du tabac, définitif, si elle est bien drivée, bien dirigée par l'hypnothérapeute, dure pour ma part 1h30. Demain, d'ailleurs, j'ai un arrêt du tabac. 1h30. En 1h30, la personne ne touchera plus jamais à une cigarette de sa vie, si c'est bien fait. S'il y a beaucoup d'affectifs qui se glissent en dessous de la cigarette, on peut placer ce qu'on appelle une deuxième séance de renforcement dans 15% des cas, mais sinon pour 85% des cas, une seule séance d'une heure 30 suffit. Quand on va accompagner sur un deuil, sur de la dépression saisonnière, sur des douleurs ou quoi que ce soit, voilà, moi je suis sur du 3-4 séances. Quand tu fais bien ton boulot, tu es sur du 3-4 séances. Après, il y a des gens qui ont besoin d'être coachés, qui ont besoin de temps en temps de faire des comebacks, tu vois, de revenir une fois par mois, qui sont en train de vivre des expériences et qui disent bah, « j'ai besoin d'avoir un petit coup de boost comme un coach sportif, j'ai besoin de refaire une petite série de pompes et machin. » Et donc, ils reprennent rendez-vous. Mais en aucun cas, moi, je vais planifier en disant bah, « voilà, en 10 séances, je vous emmène là et tout. » Je n'en sais strictement rien. Dans ce métier, j'adore transmettre de plus en plus. C'est un bonheur. C'est un bonheur de partager ton expérience et d'essayer de faire en sorte que l'autre puisse vivre ses expériences de la plus belle des manières qui soient. Et lui faire comprendre qu'en chacun de nous, il y a un Dark Vador et il y a un Luke Skywalker. En chacun de nous, dans n'importe quelle femme, dans n'importe quel enfant, dans n'importe quel papy, dans n'importe quelle mamie, on a une partie sombre, une partie obscure. Si tu réfutes et repousses ta partie obscure, tu vas droit dans le mur. C'est ça que j'ai compris. Donc, j'essaie d'enseigner ça aux gens. C'est-à-dire de leur dire, vous avez une partie obscure, elle va vous accompagner jusqu'à la fin de votre vie. Acceptez-la, remerciez-la chaque jour de vous emmener là où vous êtes aujourd'hui quand je vous parle, et vous allez voir que la vie va être complètement différente. Et ils se rendent compte que la vie est complètement différente. C'est-à-dire qu'ils vivent dans le même, tu sais, comme les scientifiques font quand ils font des tests avec des cellules, ils prennent des cellules souches d'un même œuf, donc des jumeaux ou des jumelles, sauf qu'ils les font évoluer dans deux univers différents. Et bien, ces mêmes cellules ne déclenchent pas les mêmes expériences. Traduction, ton état d'esprit du moment, dans le même lieu, dans la même chambre où tu vivais, ne va pas déclencher les mêmes expériences. Donc, c'est ça que j'essaie de leur apprendre. Enfin, en tout cas, de leur apprendre. Ils savent déjà, j'essaie juste de leur rappeler, de leur lever le voile qu'ils avaient trop mis sur leurs yeux. Mais on a la connaissance en nous, on a tout en nous. Il suffit juste de s'en rappeler. Oui, j'aime beaucoup ça, il suffit juste de s'en rappeler. Mais tu ne crois pas qu'il y a aussi beaucoup de peur? Parce qu'on vit aussi quand même dans un monde qui est extrêmement violent, on vient de passer quelque chose et on est encore dedans. Et puis, c'est pas fini. Cette histoire de pandémie, effectivement, c'est tout fini, etc. Est-ce que tu ne crois pas que les gens cherchent justement, dans des moments de guerre, dans des moments de pandémie, etc., déjà davantage faire bloc entre eux, de communauté, et à se resserrer. Et donc, c'est quand même la peur aussi qui domine. Tu vas dire à quelqu'un, mais vas-y, en fait, ton vrai truc, c'est de chanter. Il va dire, d'accord, mais j'ai deux gosses derrière. Et il faut que je les fasse bouffer. C'est là que nous, on intervient. C'est là que les gens, voilà, le taf que je fais aujourd'hui, le métier que je fais, c'est là qu'on intervient. Quelqu'un me dit, voilà, moi, je rêve de faire ça. J'ai eu le cas cet après-midi, personne que j'accompagne depuis 4 séances ou 5 séances. Et un mec, un superbe appart, qui est heureux comme tout, qui avait des angoisses, on a enlevé tout ça. Et à un moment donné, ce que je te dis tout à l'heure, je lui dis, est-ce qu'on peut se tutoyer et tout. Il me dit, ouais, pas de problème. Et on se tutoie et je lui rentre dedans. Et le mec me dit que, comme toi, il a un talent d'écriture et tout. Il n'est pas du tout dans ce travail-là. Il travaille comme community manager pour des grosses boîtes, mais qu'il adore écrire, qu'il a plein de scénarios qu'il a dans ses placards, qu'il n'a jamais sorti. Et je lui dis, OK. Je lui dis, objectif, mec, tu reprends pas contact avec moi si tu n'as pas écrit quoi que ce soit, si tu n'as pas sorti un truc et que tu t'es pas mis. Et j'ai reçu un texto ce matin en me disant, merci pour ce que tu fais, Laurent. J'ai commencé à ressortir les trucs à écrire. Et c'est juste ça que je dis. Je dis, voilà, tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Donc, moi, mon boulot consiste à justement te virer ces angoisses, ces murs invisibles qui t'empêchent de t'éclater dans tes passions. Et ensuite, que tes passions deviennent, pourquoi pas, des chemins de vie et pas le mot passion. Qu'on enlève le mot passion. Tu vois, qu'on enlève le mot multicarte. Que tu te dises, ben voilà, je peux jouer du violon et gagner éventuellement ma vie. Parce que tu vas voir, en fait, que lorsque tu fais quelque chose que tu aimes dans n'importe quelle discipline, la vie va te récompenser, la vie va te permettre de bouffer tout simplement parce que tu vas être heureux et que tu ne vas pas chercher à gagner de l'argent. On va passer aux dernières questions qui sont toutes les mêmes depuis le début du podcast. Un peu le concept de Bernard Pivot, c'est ça, un petit peu le concept des questions. Exactement, bon. Il m'a tout volé. Bon, si tu gagnes au loto, quelle est ta réaction ? Eh ben, tu sais quoi, j'y ai pensé il n'y a pas longtemps à ça. Et j'étais en train de me dire, j'ai dû acheter peut-être, je peux presque les compter sur les doigts, peut-être 9 tickets de loto dans ma vie. Et j'ai jamais rien gagné. J'ai acheté des trucs à gratter, j'ai même pas gagné 1 euro, même pas remboursé le ticket. Donc si je gagne au loto, quelle est ma réaction ? Je dirais, putain, j'ai bien avancé. C'est-à-dire que tu me fais gagner au loto avant, je ne serais pas capable de gagner l'argent et peut-être je le dépenserai en une seconde n'importe comment et ça ne me rendrait pas plus heureux. Aujourd'hui, si je gagne au loto, je dirais merci la vie. Je sais comment il faut utiliser cet argent. Comment il faut le donner, le partager, tout ce que je ne savais pas faire avant. Je dirais merci. J'ai probablement avancé. Tu y as un petit peu répondu tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a un livre, un film ou autre chose, enfin, d'artistique qui a changé ta vie ? Alors, film, clairement oui. Et alors, c'est hallucinant parce que c'est censé pas du tout être un film sur justement du développement personnel, mais je le conseille à tous les gens qui m'accompagnent. Tu dois connaître ce film, c'est Un jour sans fin. Avec mon acteur préféré, Bill Murray, avec Andy McDowell. Je pitch un petit peu le film ou pas du tout ? Non, je pense que tout le monde le connaît avec Le Jour de la Marmotte. Tout le monde le connaît, ce film ? Ah, bah, oui, génial. Oui, bien sûr, c'est un film. Ah, super. Donc voilà, donc histoire culte. Voilà, donc ce mec se réveille toujours dans cette ville, il n'arrive pas à sortir, il est bloqué. Et un jour, il change quelque chose dans son état d'esprit. Il décide de ne plus se centrer sur lui de manière égocentrique, mais de se centrer sur lui de manière partage avec l'autre. Et le jour commence à s'enclencher, à s'activer. Et je le donne toujours aux gens. Il y a celui-là et il y a Retour à le futur, bien évidemment, qui pour moi c'est indescriptible. Retour à le futur, les trois, mais surtout le premier, parce que je suis un passionné du voyage dans le temps. Parce que pour moi, et Einstein en avait parlé, je partage sa théorie que le temps n'existe pas. Le temps est un millefeuille. On peut être au même moment dans plusieurs espaces, plusieurs dimensions. Voilà, certains scientifiques le partagent, partagent cette théorie. Et Retour à le futur, c'est fabuleux de se dire que tu voyages dans le passé, que tu changes un indice du passé. Et quand tu reviens dans ton futur, il y a toute ta vie qui a changé. Je trouve ça exceptionnel. Donc, j'adore ces deux films-là. Si aujourd'hui, tu ne faisais pas ton métier, qu'est-ce que tu ferais d'autre ? Si je ne faisais pas ce métier de coach, je serais probablement DJ qui ferait une tournée mondiale, qui ferait des morceaux où tout le monde danse, tu sais, façon Love Generation de Bob Sinclair, des morceaux très, très où on se tient la main, on est heureux quand on l'écoute, on saute dans sa chambre. Je ferais ça, j'adorerais faire le tour du monde. Quel est ton plus bel échec ? Mon plus bel échec, c'est probablement le séjour à l'hôpital psychiatrique ou de haute sécurité, parce que c'est lui qui m'a permis de pouvoir te parler aujourd'hui, je pense. Voilà, parce que j'ai compris comment ça fonctionnait un petit peu, quoi. Quel est ton endroit préféré au monde ? Je ne saurais même pas quoi te répondre. C'est-à-dire que là, pour l'instant, je suis à Nice. C'est bras de ta mère. Hein. Ah oui, mais attends, précise, je pensais que tu parlais d'un endroit géographique. Ton endroit préféré au monde. Ah ouais, non, mais là, on rentre dans le complexe d'Oedipe, l'inceste et tout, et après, on va dire le mec, il a besoin de te faire psychanalyser. Donc, c'est un peu tendre. Non, je pensais que tu me parlais d'un endroit de la planète. Les bras de ma mère, pas forcément. Il y a un mot américain qui s'appelle le motto, qui est un petit peu ta motivation au quotidien et comme une devise. Est-ce que toi, tu en as une ? Si oui, laquelle ? Bah, carrément, j'en ai une et c'est une phrase que j'avais écrite sur le seul morceau d'ailleurs que j'ai essayé de produire que tu disais tout à l'heure, de la dance, de la house music et qui n'est jamais sortie et que j'espère que je ferai sortir un jour, qui s'appelle « Rise your soul, élève ton âme ». Et cette phrase, c'est « Ne cherche pas à l'extérieur ce que tu as déjà à l'intérieur. Tu as toute la force en toi pour créer la vie que tu souhaites. Regarde le soleil chaque jour et apprends à t'aimer. Rise your soul, my brother and my sister. » Désolé pour l'accent pourri en anglais, mais je prendrai un coach. Et enfin, la dernière question, quel est ton mot préféré ? Bah, bouge-toi, voilà, bouge-toi. On enlève le mot cul, on dit bouge-toi. Ces deux mots-là, je les aime beaucoup. Alors aujourd'hui, Laurent, si on veut te contacter, dis-moi. Comment on fait ? Si on veut me contacter, on va tout simplement sur le site internet laurentkaroubi.com. On regarde si les techniques vous parlent et puis ensuite on remplit un formulaire de contact et puis je reçois le mail ou on peut m'appeler directement sur mon portable, tout simplement. En tout cas, Laurent, je suis ravi d'avoir passé ce moment avec toi parce que tu l'as habité de toutes tes énergies et je remercie aussi l'univers de t'avoir posé aussi sur mon chemin. Eh ben merci beaucoup, ça c'est une belle phrase de fin, ça me touche, merci beaucoup. Merci à l'univers de m'avoir aussi mis sur le tien Et écoute, on se voit quand tu veux, quand on aura le temps surtout. J'espère qu'on va pouvoir se croiser. Je descendrai dès que possible pour venir te voir. C'est sûr. Avec plaisir, avec grand plaisir. Merci Laurent. Quant à nous, on se retrouve très vite à la rentrée. Salut la compagnie.